fais grave qu'un bord, mais qu'un nègre avec un peur. Tensure, on peut faire des pattes avec de la sûre. Certifié sans rature ni fausse blessure. Oublie que t'es un homme, toi genoux tous, écarte ton rectum. Les pires humiliations, c'est comme ça que l'État nous sectionne. J'affectionne, bite sans clan, sans rature ni fausse blessure. Ce qui c'est insolent, c'est un osnes, c'est la morsure. Signé pour plaire, laisse pas ton cul en exemplaire. D'ici dans le natif, c'est verbal brolique posé sur le sampleur. Laisse l'armée en pleurs, y'a trop de sang sur nos vêtures. Ça prend de l'ampleur, qui paie les factures si je fais trop de fractures. C'est cette époque où les jours se ressemblent. Pour monter, faut que je leur ressemble. J'ferais pas un succès sur ce genre de sample. Moi je te réponds qu'on s'est pas sucé. Juste arracher la Sicile aux Italiens. Car mon compte courant part en sucette. Et mes Hessenet c'est pas en courant. Mon courrier écrit au bar, c'est pour mes scélérats sous scellés. De rouge, de noir et de vert. J'suis fait de larmes, de gloire et de fer. Pas bon pour les regrets, frère. J'ai du gré de plus, il fallait le refaire. Ta plaque nous fait ni chaud ni froid. J'ai ni frein, ni refrain, moi j't'assure. On peut faire des pattes avec de la sûre. Dissident, sans rature, ni fausse blessure. J'suis ton micro, j'te fais la misère. L'esprit dissident, sans rature, ni fausse blessure. J't'assure, on peut faire des pattes avec de la sûre. Certifié sans rature, ni fausse blessure. J'suis ton micro, j'te fais la misère. L'esprit dissident, sans rature, ni fausse blessure. J'ai ce putain de vécu qui tous les jours me colle à la peau. Et on veut que j'crache dessus comme si j'allais me torcher le cul. Changer de camp pour des écus. Fous le camp, moi j'fous le boucan. Crépuscule et haut, blaire bien suffocant. J'entends Booba dire non esprit, il fait pas le con. Ça fout le bas de la daronne, m'a vu fumer des joints en balcon. Rien de personnel, à part 4 autres diamants, la 15 piges. Pendant 15 mois, à cause d'une pute, j'ai mangé la gamelle. Rappeur criminel, sursis, les gosses sont comme Attila. Ne pense qu'à dealer, t'as pas possible, nos mains sont comme mutilées. 2000, j'ai vu même les PD tirer au pistolet. Curé pédophile, faut les étrangler avec leur chapelet. Rien à faire, à part pondre des textes sombres comme le temps. Malgré le surnombre, les mis en compte, la tôle, ça devient inquiétant. Scanner, capte la fréquence, fais-le sans faire plaisanterie. Sanguinaire. De la cause famasse pour braquer une bijouterie. Ils ont dévalisé l'Afrique, je vais piner la France, rec. La vie est franche, mec dur, pas de demi-mesure. La mélodie des briques que je débute en braque fait peur. Mais j'y oblige, gros, ça se passe pépère. Bruit dans la peau, c'est comme s'il avait croqué de pommes. Depuis que j'ai le mic dans la paume, mon QG Boulogne, dôme de la boucherie. Du coup, j'ai beaucoup trop de crimes dans la bouche, gros. C'est ton micro, je te fais la misère. Pointé que je me lève à 10h et mes nerfs sont restés coincés. Entre le cerveau et l'index sur la gâchette. Alors achète mon scot que je m'arrache. Retire mes billets à la machette. Il a beaucoup neigé. Décembre à 976. Des faux contre coke sur la double code. Écoute celle-ci. Juste au micro, je te fais la misère. Nesby, dissident, sans rature ni fausse blessure. Je t'assure, on peut faire des pattes avec de la sûre. Certifié sans rature ni fausse blessure. Juste au micro, je te fais la misère. Nesby, dissident. J't'assure, on peut faire des pattes avec de la sûre. Certifié sans rature ni fausse blessure. Nesby. Trois doses, 94.